la force que peut avoir chacun. On ne reste que des hommes. On essaye de vivre de l'art, on boit pas que de l'eau. Les yeux en forme de dollars, c'est pour ça qu'on est plein de mythos. On finira sur le billard, c'est là qu'on voit qu'on est tous égaux. Eh gros, tu peux être flic ou voleur, cadre sup ou chômeur. Y'a que les principes qui changent à la naissance, les mêmes valeurs. Qui n'est raciste, personne, c'est qu'une question de couleur. Mais nos enfants insistent encore à ce phénomène à toute heure. Trouve ça douteux, certains parents regardent cette œil. Tu veux être gentil ou méchant, racaille ou gothique. En apparence pas la même vie, mais autant la même éthique. On dit que le temps a fait changer les gens. La preuve, combien d'inscrits sur Mythique. La preuve, ils ont voté François, c'est mythique. Tu peux être grand ou petit, gros ou musclé. T'as toujours que les pieds sur terre et ouais, je sais que ça te fait chier. Obligé de vivre ensemble, pas de s'aimer. Tant qu'à faire, faisons des dons de sang au lieu de se saigner. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. T'es qu'un homme. T'es qu'un homme. Ben ouais, tu croyais quoi? À la base on a les mêmes valeurs. On grandit, on n'a pas les mêmes galères. On cherche la réussite avec l'honneur. Mais souvent on paye le prix fort, on donne à fond, forcé de sourire dans le malheur. Dans tous les cas on veut la même chose, la monnaie monnaie. Il nous faut des doses de carburant pour planer planer. On se bat mais compare pas un étalon, un poney poney. Toi tu connais tout et tout le monde, ouais on connaît connaît. Sinon quand les peuples vont se coller voler par-dessus les frontières. On se perd dans le passé, assez qu'on se jette des pierres. Il faut vraiment se casser de ce monde, ça devient un enfer. Il faut aller mendier sur la lune, ici y'a plus rien à faire. Les enfants deviennent des cendriers parce qu'on essaye d'oublier. En fumant, tout ce qu'on veut c'est briller devant les autres, alors on tend à se faire remarquer. Pour finir sur le banc des accusés. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. T'es qu'un homme. T'es qu'un homme. Ben ouais, tu croyais quoi? Stop tout, stop tout, stop tout. T'es qu'un homme. Stop tout, stop tout, stop tout. Arrête de croire que t'es plus puissant que les autres. Y aura toujours plus fort pour te remettre à ta place. Tu crois être qui? C'est juste le poids d'un homme que tu portes. Rappelle-toi que les plus tranquilles t'enculeront pas quand tu dors. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. Mais t'es qui toi? T'es qu'un homme. T'es qu'un homme. Ben ouais, tu croyais quoi?